grenouille, oh ma grenouille. Tous les crapauds de la mare en bafouillent. Ils voudraient tous pouvoir lui parler, mais ma grenouille, elle est très réservée. Ouais. Je suis un crapaud, je suis un crapaud. Je suis petit et je suis tout gros. Je me promène au milieu des roseaux et je fais les blabla bodo bodo jay bodo jo bodo jay bodo jay. L'autre soir, il était tard. Je traînais au milieu des nénuphars. Quand derrière un nénu, elle est sortie toute nue. Elle m'a dit viens. Et moi je lui ai dit ouais. Wow. Ma grenouille, ma grenouille. Tous les crapauds de la mare se remuent les nouilles. Ils voudraient tous pouvoir l'embrasser. Mais ma grenouille, elle sait très bien nager. Ouais. Je suis un crapaud. Je suis devenu Milord et Aristo. Je me promène au milieu des roseaux et je vais les blabla bodo bodo jay bobo jo bodo jay bodo jay. Ma grenouille, oh ma grenouille. Tous les crapauds de la mare en bafouillent. Ils voudraient tous pouvoir l'attraper. Mais pour ma grenouille, je suis son préféré. Mais pour ma grenouille, je suis son préféré. Mais pour ma grenouille, je suis son préféré. Vlababada, bodo.